L'exposé national de technosciences du secteur d'isolation thermique des équipements thermoélectriques a eu lieu le 16 au Palais des sciences et techniques à Pyongyang, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée, en présence des scientifiques, techniciens, enseignants et membres de doctorat de différentes unités d'activité, notamment l'Institut de la technologie de l'environnement de l'Académie nationale des sciences, l'Université de technologie Kimtse et le complexe thermoélectrique de Pukchang. Les diplômes et primes ont été conférés aux meilleurs exposants.